L'environnement. Activité 5. Compréhension orale. Commentaire 1. Une perturbation ondulera le long des côtes de la Manche. Le ciel y sera encombré de nuages parfois nombreux et localement menaçants, et une averse orageuse n'y sera pas exclue. La chaleur sera accablante sur le sud et des orages seront à craindre sur les Alpes en fin de journée. Commentaire 2. Le soleil brillera de tous ses feux dès les premières lueurs de l'aube, balayant rapidement les brumes locales. Le mercure, grignotant encore quelques points, franchira en mains endroits la barre des 30 degrés et, sur le relief alpin, des orages de chaleur seront à craindre. Commentaire 3. Le ciel sera très nuageux avec de la pluie ou des averses orageuses du Nord-Pas-de-Calais au Pays de Loire. En marge de cette perturbation, le temps restera chaud et ensoleillé des Pyrénées à l'Alsace. L'après-midi, des foyers orageux se développeront à nouveau sur le relief alpin.